Le colis de la reine par Alexandre Dumas. Tome 1er. Prologue 1er. Un vieux gentilhomme et un vieux maître d'hôtel. Vers les premiers jours du mois d'avril 1784, à 3h15 à peu près de l'après-midi, le vieux maréchal de Richelieu, notre ancienne connaissance, après s'être imprégné lui-même les sourcils d'une teinture parfumée, repoussa de la main le miroir que lui tenait son valet de chambre, successeur mais non remplaçant du fidèle Rafté, et secouant la tête de cet air qui n'appartenait qu'à lui. « Allons, dit-il, me voilà bien ainsi. » Il se leva de son fauteuil, chiquenaudant du doigt, avec un geste tout juvénile, les atomes de poudre blanche qui avaient volé de sa perruque sur sa culotte de velours bleu de ciel. Puis, après avoir fait deux ou trois tours dans son cabinet de toilette, allongeant le coup de pied et tendant le jarret, « Mon maître d'hôtel !» dit-il. 5 minutes après, le maître d'hôtel se présenta en costume de cérémonie. Le maréchal prit un air grave et tel que le comportait la situation. « Monsieur, dit-il, je suppose que vous m'avez fait un bon dîner. « Mais oui, monseigneur. Je vous ai fait remettre la liste de mes convives, n'est-ce pas ? Et j'en ai fidèlement retenu le nombre, monseigneur. 9 couverts, n'est-ce point cela ? Il y a couverts et couverts, monsieur. Oui, monseigneur, mais... » Le maréchal interrompit le maître d'hôtel avec un léger mouvement d'impatience, tempéré cependant de majesté. Mais n'est point une réponse, monsieur. Et chaque fois que j'entends le mot « mais », et je l'ai entendu bien des fois depuis 88 ans, « Eh bien, monsieur, chaque fois que je l'ai entendu, ce mot, je suis désespéré de vous le dire, il précédait une sottise. »« Monseigneur, d'abord, à quelle heure me faites-vous dîner ?»« Monseigneur, les bourgeois dînent à 2 heures, la robe à 3, la noblesse à 4. »« Et moi, monsieur ?»« Monseigneur dînera aujourd'hui à 5 heures. »« Oh, à 5 heures. »« Oui, monseigneur, comme le roi. »« Et pourquoi comme le roi ?»« Parce que, sur la liste que monseigneur m'a fait l'honneur de me remettre, il y a un nom de roi. » « Point du tout, monsieur. Vous vous trompez. Parmi mes convives d'aujourd'hui, il n'y a que de simples gentilshommes. » « Monseigneur veut sans doute plaisanter avec son humble serviteur, et je le remercie de l'honneur qu'il me fait. Mais monsieur le comte de Haga, qui est un des convives de monseigneur, eh bien, le comte de Haga est un roi. Je ne connais pas de roi qui se nomme ainsi. Que monseigneur me pardonne alors, dit le maître d'hôtel en s'inclinant, mais j'avais supposé... « Votre mandat n'est pas de croire, monsieur. Votre devoir n'est pas de supposer. Ce que vous avez à faire, c'est de lire les ordres que je vous donne, sans y ajouter aucun commentaire. Quand je veux qu'on sache une chose, je la dis. Quand je ne la dis pas, je veux qu'on l'ignore. » Le maître d'hôtel s'inclina une seconde fois, et cette fois plus respectueusement peut-être que s'il lui parlait à un roi régnant. « Ainsi donc, monsieur, continua le vieux maréchal, vous voudrez bien, puisque je n'ai que des gentilshommes à dîner, me faire dîner à mon heure habituelle, c'est-à-dire à 4 heures. » À cet ordre, le front du maître d'hôtel s'obscurcit, comme s'il venait d'entendre prononcer son arrêt de mort. Il pâlit et plia sous le coup. Puis se redressant avec le courage du désespoir, « Il arrivera ce que Dieu voudra, dit-il, mais monseigneur ne dînera qu'à 5 heures. »« Pourquoi et comment cela ? » s'écria le maréchal en se redressant. « Parce qu'il est matériellement impossible que monseigneur dîne auparavant. » « Monsieur, dit le vieux maréchal en secouant avec fierté sa tête encore vive et jeune, voilà 20 ans, je crois, que vous êtes à mon service. »« 21, monseigneur, plus 1 mois et 2 semaines. »« Eh bien, monsieur, à ces 21 ans, 1 mois, 2 semaines, vous n'ajouterez pas un jour, pas une heure, entendez-vous ? » répliqua le vieillard en pinçant ses lèvres minces et en fronçant son sourcil peint. « Dès ce soir, vous chercherez un maître. »« Je n'entends pas que le mot impossible soit prononcé dans ma maison. » « Ce n'est pas à mon âge que je vais faire l'apprentissage de ce mot. Je n'ai pas de temps à perdre. » Le maître d'hôtel s'inclina une troisième fois. « Ce soir, dit-il, j'aurais pris congé de monseigneur, mais au moins jusqu'au dernier moment, mon service aurait été fait comme il convient. » Et il fit 2 pas à reculant vers la porte. « Qu'appelez-vous comme il convient ? » s'écria le maréchal. « Apprenez, monsieur, que les choses doivent être faites ici comme il me convient. Voilà la convenance. » Or, je veux dîner à 4 heures, moi, et il ne me convient pas, quand je veux dîner à 4 heures, que vous me fassiez dîner à 5. Monsieur le maréchal, dit sèchement le maître d'hôtel, j'ai servi de sommelier à monsieur le prince de Soubise, d'intendant à monsieur le prince cardinal Louis de Rohan. Chez le premier, Sa Majesté le feu roi de France dînait une fois l'an. Chez le second, Sa Majesté l'empereur d'Autriche dînait une fois le mois. Je sais donc comment on traite les souverains. Monseigneur, chez Monsieur de Soubise, le roi Louis XV s'appelait bainement le baron de Gonesse. C'était toujours un roi. Chez le second, c'est-à-dire chez Monsieur de Rohan, l'empereur Joseph s'appelait vainement le comte de Pakenstein. C'était toujours l'empereur. Aujourd'hui, Monsieur le maréchal reçoit un convive qui s'appelle vainement le comte de Haga. Le comte de Haga n'en est pas moins le roi de Suède. Je quitterai ce soir l'hôtel de Monsieur le maréchal, où Monsieur le comte de Haga y sera traité en roi. Et voilà justement ce que je me tue à vous défendre, Monsieur l'entêté. Le comte de Haga veut l'incognito le plus strict, le plus opaque, par Dieu. Je reconnais bien là vos sottes vanités, messieurs de la serviette. Ce n'est pas la couronne que vous honorez, c'est vous-même que vous glorifiez avec nos écus. Je ne suppose pas, dit aigrement le maître d'hôtel, que ce soit sérieusement que monseigneur me parle d'argent. Et non, monsieur, dit le maréchal presque humilié. Non, argent, qui diable vous parle argent? Ne détournez pas la question. Je vous prie et je vous répète que je ne veux point qu'il soit question de roi ici. Mais, monsieur le maréchal, pour qui donc me prenez-vous? Croyez-vous que j'aille ainsi en aveugle? Mais il ne sera pas un instant question de roi. Alors ne vous obstinez point et faites-moi dîner à 4 heures. Non, monsieur le maréchal, parce qu'à 4 heures, ce que j'attends ne sera point arrivé. Qu'attendez-vous? Un poisson? Comme monsieur Vatel? Monsieur Vatel, monsieur Vatel, murmura le maître d'hôtel. Eh bien, êtes-vous choqué de la comparaison? Non. Mais pour un malheureux coup d'épée que monsieur Vatel se donna au travers du corps, monsieur Vatel est immortalisé. Et vous trouvez, monsieur, que votre confrère a payé la gloire trop bon marché? Non, monseigneur. Mais combien d'autres souffrent plus que lui dans notre profession et dévorent des douleurs ou des humiliations 100 fois pires qu'un coup d'épée, et qui cependant ne sont point immortalisés. Et, monsieur, pour être immortalisé, ne savez-vous pas qu'il faut être de l'Académie ou être mort? Monseigneur, s'il en est ainsi, mieux vaut être bien vivant et faire son service. Je ne mourrai pas et mon service sera fait comme eût été fait celui de Vatel si monsieur le prince de Condé eût eu la patience d'attendre 1/2 heure. Oh, mais vous me promettez merveille, c'est adroit. Non, monseigneur, aucune merveille. Mais qu'attendez-vous donc alors? Monseigneur veut que je le lui dise? Ma foi, oui, je suis curieux. Eh bien, monseigneur, j'attends une bouteille de vin. Une bouteille de vin? Expliquez-vous, monsieur, la chose commence à m'intéresser. Voici de quoi il s'agit, monseigneur. Sa Majesté le roi de Suède, pardon, son Excellence le comte de Haga, voulais-je dire, ne boit jamais que du vin de Tokay. Eh bien, suis-je assez dépourvu pour n'avoir point de Tokay dans ma cave? Il faudrait chasser mon sommelier dans ce cas. Non, monseigneur, vous en avez au contraire encore 60 bouteilles à peu près. Eh bien, croyez-vous que le comte de Haga boive 61 bouteilles de vin à son dîner? Patience, monseigneur. Lorsque monsieur le comte de Haga vint pour la première fois en France, il n'était que prince royal. Alors il dîna chez le feu roi, qui avait reçu 12 bouteilles de Tokay de Sa Majesté l'empereur d'Autriche. Vous savez que le Tokay premier cru est réservé pour la cave des empereurs, et que les souverains eux-mêmes ne boivent de ce cru qu'autant que Sa Majesté l'empereur veut bien leur en envoyer. Je le sais. Eh bien, monseigneur, de ces 12 bouteilles, dont le prince royal goûta et qu'il trouva admirable, de ces 12 bouteilles, 2 bouteilles aujourd'hui restent seulement. Oh, l'une est encore dans les caves du roi Louis XVI, et l'autre, ah, voilà, monseigneur, dit le maître d'hôtel avec un sourire triomphant, car il sentait qu'après la longue lutte qu'il venait de soutenir, le moment de la victoire approchait pour lui. L'autre, eh bien, l'autre fut dérobé. Par qui? Par un de mes amis, sommelier du feu roi, qui m'avait de grandes obligations. Hein? Et qui vous la donna? Certes, oui, monseigneur, dit le maître d'hôtel avec orgueil. Et qu'en fîtes-vous? Je la déposai précieusement dans la cave de mon maître, monseigneur. De votre maître? Et quel était votre maître à cette époque, monsieur? Monseigneur le cardinal prince Louis de Rohan. Ah, mon Dieu, à Strasbourg, à Saverne. Et vous avez envoyé chercher cette bouteille pour moi? S'écria le vieux maréchal. Pour vous, monseigneur, répondit le maître d'hôtel du ton qui lui prit pour dire ingrat. Le duc de Richelieu saisit la main du vieux serviteur en s'écriant. Je vous demande pardon, monsieur. Vous êtes le roi des maîtres d'hôtel. Et vous me chassiez? Répondit celui-ci avec un mouvement intraduisible de tête et d'épaule. Moi, je vous paye cette bouteille 100 pistoles. Et 100 pistoles que coûteront, monsieur le maréchal, les frais du voyage. Cela fera 200 pistoles. Mais monseigneur avouera que c'est pour rien. J'avouerai tout ce qu'il vous plaira, monsieur. En attendant, à partir d'aujourd'hui, je double vos honoraires. Mais, monseigneur, il ne fallait rien pour cela. Et quand donc arrivera votre courrier de 100 pistoles ? Monseigneur jugera si j'ai perdu mon temps. Quel jour monseigneur a-t-il commandé le dîner ? Mais voici 3 jours, je crois. Il faut un courrier qui court à Franck Étrier 24 heures pour aller, 24 heures pour revenir. Et il vous restait 24 heures. Prince des maîtres d'hôtel, qu'en avez-vous fait de ces 24 heures ? Hélas, monseigneur, je les ai perdues. L'idée ne m'est venue que le lendemain du jour où m'aviez donné la liste de vos convives. Maintenant, calculons le temps qu'entraînera la négociation, et vous verrez, monseigneur, qu'en ne vous demandant que jusqu'à 5 heures, je ne vous demande que le temps strictement nécessaire. Comment ? La bouteille n'est pas encore ici. Non, monseigneur. Bon Dieu. Monsieur, et si votre collègue de Saverne allait être aussi dévoué à monsieur le prince de Rohan que vous l'êtes à moi-même ? Eh bien, monseigneur, s'il allait refuser la bouteille, comme vous l'eussiez refusé vous-même. Moi, monseigneur ? Oui. Vous ne donneriez pas une pareille bouteille, je suppose, si elle se trouvait dans ma cave. J'en demande bien humblement pardon, monseigneur. Si un confrère ayant un roi à traiter me venait demander votre meilleure bouteille de vin, je la lui donnerai à l'instant. Oh ! Fit le maréchal avec une légère grimace. C'est en aidant que l'on est aidé, monseigneur. Alors me voilà à peu près rassuré, dit le maréchal avec un soupir. Mais nous avons encore une mauvaise chance. Laquelle, monseigneur ? Si la bouteille se casse. Oh, monseigneur, il n'y a pas d'exemple qu'un homme ait jamais cassé une bouteille de vin de 2000 livres. J'avais tort, n'en parlons plus. Maintenant, votre courrier arrivera à quelle heure ? À 4 heures très précises. Alors qui nous empêche de dîner à 4 heures ? Reprit le maréchal, entêté comme une mule de Castille. Monseigneur, il faut 1 heure à mon vin pour le reposer. Et encore, grâce à un procédé dont je suis l'inventeur. Sans cela, il me faudrait 3 jours. Battu cette fois encore, le maréchal fit en signe de défaite un salut à son maître d'hôtel. D'ailleurs, continua celui-ci, les convives de monseigneur, sachant qu'ils auront l'honneur de dîner avec monsieur le comte de Haga, n'arriveront qu'à 4h30. En voici bien d'une autre. Sans doute, monseigneur. Les convives de monseigneur sont, n'est-ce pas, monsieur le comte de Launay, madame la comtesse du Barry, monsieur de la Pérouse, monsieur de Fabras, monsieur le comte d'Orsay, monsieur Cagliostro et monsieur le Tavernet. Eh bien, monseigneur, procédons par ordre. Monsieur Launay vient de la Bastille, de Paris par la glace qu'il y a sur les routes, 3 heures. Oui, mais il partira aussitôt le dîner des prisonniers, c'est-à-dire à midi. Je connais cela, moi. Pardon, monseigneur. Mais depuis que monseigneur a été à la Bastille, l'heure du dîner est changée. La Bastille dîne à 1 heure. Monsieur, on en apprend tous les jours. Je vous remercie. Continuez. Madame du Barry vient de Lucienne. Une descente perpétuelle par le verglas. Oh, cela ne l'empêchera pas d'être exact, depuis qu'elle n'est plus la favorite que d'un duc, et ne fait plus la reine qu'avec les barons. Mais comprenez cela à votre tour, monsieur. Je voulais dîner de bonne heure à cause de monsieur de la Pérouse, qui part ce soir et qui ne voudra point s'attarder. Monseigneur, monsieur de la Pérouse est chez le roi. Il cause géographie, cosmographie, avec sa majesté. Le roi ne lâchera donc pas de sitôt monsieur de la Pérouse. C'est possible. C'est sûr, monseigneur. Il en sera de même de monsieur de Fabras, qui est chez monsieur le comte de Provence, et qui cause sans doute de la pièce de monsieur Caron de Beaumarchais. Du mariage de Figaro ? Oui, monseigneur. Savez-vous que vous êtes tout à fait lettré, monsieur ? Dans mes moments perdus, je lis, monseigneur. Nous avons monsieur le comte d'Orsay, qui en sa qualité de géomètre pourra bien se piquer de ponctualité. Oui, mais il s'enfoncera dans un calcul, et quand il en sortira, il se trouvera d'une demi-heure en retard. Quant au comte de Cagliostro, comme ce seigneur est étranger et habite depuis peu de temps Paris, il est probable qu'il ne connaît pas encore parfaitement la vie de Versailles et qu'il se fera attendre. Allons, dit le maréchal, vous avez, moi Tavernet, nommé tous mes convives et cela dans un ordre d'énumération digne d'Homère et de mon pauvre Rafté. Le maître d'hôtel s'inclina. Je n'ai point parlé de monsieur le Tavernet, dit-il, parce que monsieur le Tavernet est un ancien ami, qui se conformera aux usages. Je crois, monseigneur, que vous l'avez un les 8 couverts de ce soir, n'est-ce pas ? Parfaitement. Où nous faites-vous dîner, monsieur ? Dans la grande salle à manger, monseigneur. Nous y gèlerons. Elle chauffe depuis 3 jours, monseigneur, et j'ai réglé l'atmosphère à 18 degrés. Fort bien, mais voilà la demi qui sonne. Le maréchal jette un coup d'œil sur la pendule. C'est 4h30, monsieur. Oui, monseigneur, et voilà un cheval qui entre dans la cour. C'est ma bouteille de vin de Tokay. Puissais-je être servi 20 ans encore de la sorte ? Dit le vieux maréchal en retournant son miroir, tandis que le maître d'hôtel courait à son office. 20 ans ! Dit une voix rieuse qui interrompit le duc juste au premier coup d'œil sur la glace. 20 ans ! Mon cher maréchal, je vous les souhaite. Mais alors j'en aurai 60, duc, et je serai bien vieille. Vous, comtesse ? S'écria le maréchal. Vous, la première ? Mon Dieu, que vous êtes toujours belle et fraîche. Dites que je suis gelée, duc. Passez, je vous prie, dans le boudoir. Oh, un tête-à-tête, maréchal. À trois, répondit une voix cassée. Tabernet ! S'écria le maréchal, la peste du trouble faite, dit-il à l'oreille de la comtesse. Fat, murmura Madame du Barry avec un grand éclat de rire. Et tous trois passèrent dans la pièce voisine.